Le Koweït. L'émir a le droit de proposer des lois et le droit de les approuver et de les émettre. Aucune loi ne peut être émise tant qu'elle n'est pas approuvée par l'Assemblée et reconnue par l'émir. Constitution du Koweït. Introduction. Abu Abdullah d'Ivry nous rapporte la parole de Bandar al-Utaybi, qui prétend que le fait de légiférer en dehors d'Allah n'est pas de la mécréance, sauf si la personne prétend de sa bouche ou par écrit qu'il a le droit de légiférer. La vérité, c'est que Bandar, tout comme Abu Abdullah et les pseudo-salafis, n'ont aucun doute que les démocraties et les laïcs et les inventeurs de lois sont des tawarites d'après le Coran et la Sunna. Ils savent très bien, mais ils détestent ça et le refusent, et ils refusent de les juger mécréants, car ils détestent le Coran et la Sunna et aiment ces gouverneurs tawarites plus que la religion. Je vais vous le prouver. Bandar al-Utaybi dit: la première situation est qu'il, le gouverneur, fait cet acte inventé des lois et prétend qu'il a un droit à la législation en le déclarant et non juste par l'acte. Celui-là, il n'y a pas de doute de sa mécréance. Bien que cette citation soit totalement fausse, nous leur demandons: si nous vous montrons l'un de ces gouverneurs du Golfe déclarer avoir le droit de faire des lois, allez-vous le juger mécréant et continuerez-vous de dire qu'il n'y a pas de doute sur sa mécréance? La vérité, mes frères, c'est que ces gens ne jugeront jamais ces gouverneurs mécréants, même si l'un d'entre eux crachait publiquement sur le Coran et insulterait Allah publiquement, et ils inventeront toujours des règles pour protéger les tawarites. Ils l'ont déjà fait. Au début, ils reconnaissaient tous que légiférer est de la grande mécréance. Mais lorsque les gouverneurs du Golfe s'en sont rendus coupables, voilà que soudain, c'est du kufr dona kufr, de la mécréance moindre. Et on dit, il faut qu'ils le jugent halal pour devenir mécréant. Puis lorsque ces gouverneurs rendent halal le haram, une nouvelle règle est inventée. Il faut qu'ils disent qu'il en a le droit. Et lorsque le gouverneur affirme avoir le droit de le faire, comme l'émir du Koweït, eh bien, on finit par dire, il faut qu'il dise qu'il est prophète et que sa loi vient d'Allah. Et lorsque ce gouverneur affirme qu'il ne juge que d'après la charia et donc attribue sa constitution à la loi d'Allah, une nouvelle règle sera encore inventée. Lorsque le Tarout saoudien porta la croix chrétienne, Ibn Baz donna une fatwa le permettant. Et d'autres dirent, il ne savait pas que c'était une croix. Mais nous aimerions connaître les explications de la bonne référence au sujet de ces deux photos venant du site du roi Fahd. Et deuxième photo, exactement la même que la première, venant du même site, section arabe, avec une seule et unique différence, la croix qui n'est plus là. Dans le site King Fahd, ibnabdelaziz.org. Alors, pour quelle raison veut-on cacher aux Arabes la photo de Fahd avec la croix, mais ne la cache-t-on pas aux Anglais? Tout ceci n'était que pour vous montrer que ces gens ne jugeront jamais les tawarites mécréants, même s'ils en venaient à insulter l'islam et brûler les mosquées. La seule annulation de l'islam d'après eux, c'est de combattre les tawarites et de les juger mécréants. La constitution du Koweït considérée comme étant un état islamique par Ibn Baz. Voici quelques articles de la constitution du Koweït. L'article 65. L'émir a le droit de proposer des lois et le droit de les approuver et de les émettre. L'article 79. Aucune loi ne peut être émise tant qu'elle n'est pas approuvée par l'Assemblée et reconnue par l'émir. Article 32. Il n'y a aucun crime ni aucune sanction sauf fondée selon la loi. Et il n'y a aucune punition sauf s'il y a un texte de la loi qui le précise. Article 29. Les hommes sont égaux dans la dignité humaine et égaux devant la loi, en droits et en devoirs généraux, sans aucune distinction entre eux, que ce soit pour leur sexe, origine, langue ou religion. Le comité de permanence Lejna Daima a donné une fatwa numéro 6310 où elle a affirmé que, quant à celui qui ne fait aucune distinction entre le juif, le chrétien et le reste des mécréants et les musulmans, si ce n'est par la nation, et leur donner à tous les mêmes statuts, c'est un mécréant, signé par Ibn Baz, Rudayan et Ibn Qu'ud. L'article 35, la liberté de pensée totale. L'État protège les pratiques cultuelles des religions conformément aux traditions en vigueur, sauf si cela perturbe l'ordre public ou contredit les bonnes manières. Article 36. Liberté d'opinion, de recherche scientifique, et tout homme a le droit d'exprimer son opinion et de la diffuser oralement ou à l'écrit ou par d'autres moyens, conformément aux conditions exposées par la loi. Article 68. L'émir déclare la guerre de défense par écrit. Quant à la guerre offensive, elle est interdite. Maintenant, le Koweït a interdit avec le terme « haram » le djihad de conquête, qui est obligatoire à l'unanimité catégoriquement des musulmans, d'après le Coran et la Sunna. Mais malgré ça, l'article 60 dit « L'émir, avant de remplir sa fonction, doit tenir le serment suivant lors d'une assise spécifique. Je jure par Allah l'immense de respecter la constitution et les lois de l'État et de défendre la liberté du peuple. » Malgré tous ces articles, le mufti Ibn Baz considéra que l'attaque menée par Saddam contre le Koweït était une preuve de sa haine contre l'islam et les musulmans lorsqu'il dit « Ce qu'a fait le gouverneur d'Irak, Bassist, au Koweït, prouve sa grande haine et sa ruse contre l'islam et ses adhérents. » Et Ibn Baz dit « Nous louons Allah pour vous, qu'il vous ait facilité le retour à la liberté dans votre pays, et nous le remercions pour cela. » Et Ibn Baz dit « Et il ne fait aucun doute que ce qu'a fait le gouvernement irakien et son oppression envers l'État du Koweït est un énorme crime et un très grand mal, dont il résulte un grand mal. » Ibn Baz considérant le Koweït comme un État islamique, il ne reste que deux solutions aux pseudo-salafis. 1. Prétendre qu'Ibn Baz ignorait la réalité du gouvernement koweïtien et donnait des fatwas sans savoir, et qu'ils n'oseront jamais dire, vu que pour eux cela consiste en une insulte envers les savants. 2. Avouer qu'Ibn Baz savait très bien la réalité du gouvernement koweïtien, ce qui est exact, mais qu'il affirma que ce gouvernement est légal, et ceci est une mécréance sur laquelle il ne fait aucun doute. Tout comme lorsqu'il affirma que les communistes du Yémen, lors de la guerre civile, étaient les frères des musulmans. Mais comme le dit Allah, sourds, muets, aveugles, ils ne peuvent revenir.